El Shaddai, espoir de toutes les nations du monde, toi qui écoutes les cris alarmants des cœurs, toutes les nations viendront à toi. Notre Père, qui es aux cieux, ton règne est un règne de paix et de justice. Que ta puissance se signale par des prodiges et que du haut des cieux la rosée coule et que soit fertilisée la terre de nos espoirs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation. Que ton règne écrase les règnes des ténèbres et que prospère la joie de l'abondance. Que ton règne écrase le règne de la maladie et que fleurisse la gloire au milieu de la terre. Oh Yahweh, El Shaddai, toi qui as plané nos montagnes, toi qui relèves les pauvres et l'orphelin, toi qui possèdes la force et la bénédiction en réserve providentielle. Oh Jésus, fils de David, roi des rois, né à Bethléem, dans ta maison le pain ne manquera pas. Sous tes ailes le fugitif trouve le repos, la veuve trouve un mari, l'aveugle recouvre la vue. Délivre-nous de nos angoisses, Seigneur. Délivre-nous du désespoir, délivre-nous de la honte, afin que ton nom soit exalté, Seigneur, au-dessus des montagnes, au-dessus de l'adversité, au-dessus des nations, car c'est toi qui règnes, qui domines, non à la mort, non aux ténèbres, non au désespoir, c'est toi qui règnes pour l'éternité, pour toujours. Ô Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, tu transformes la vallée de Baca des pleurs en chant de bénédiction. Par un seul de tes regards, tu ébouilles mon âme et tu éclaires toute la destinée. Jésus, à toi le règne, Jésus, à toi la puissance, Jésus, à toi le trône, Jésus, à toi la louange, pour des siècles des siècles et de génération en génération. Alléluia. Amen.